Pour nous, les accords d'Évian sont, premièrement, la fin d'une guerre atroce où l'Algérie a été vraiment, le peuple algérien a été terriblement malmené, pour ne pas dire plus. Non seulement les pertes humaines, mais aussi les dégâts sur le plan moral. Il y a eu des dégâts en France à la suite de cette guerre, mais chez nous aussi, surtout lorsque je pense à ces populations regroupées, qu'on disait regroupées entre guillemets, n'est-ce pas ? C'est un des points sombres, n'est-ce pas ? Le plus sombre, à mon avis, de la guerre, parce que jusqu'à maintenant, nous en subissons les conséquences. Ces camps de regroupement. Bon. Donc, c'était la fin, quand même, de ce cauchemar, n'est-ce pas ? Et en même temps, c'était la consécration de la nation algérienne. Pour nous, c'est l'aboutissement du long combat. D'un très long combat qui est plus de 132 ans de combat contre la colonisation, contre cette présence, domination coloniale. Donc c'est la fin du système colonial et la reconnaissance de la nation algérienne moderne. Là, c'est un point très important, et que cette reconnaissance se fasse solennellement par l'ex-puissance coloniale. Ça, c'était une victoire pour l'Algérie. Ça, c'est une grande victoire, une victoire historique du peuple algérien. Le point 3, c'est que tous les objectifs qui ont été consignés, précisés dans nos textes depuis le 1er novembre, en passant par la plateforme de la Soumam, tous ces objectifs ont été remplis. Que ce soit l'intégrité territoriale, l'unité du peuple algérien et l'indépendance politique. Tout cela a été réalisé dans ces accords. C'est pour cela que, sur le plan des principes, ces accords, pour nous, étaient pleinement satisfaisants. Là où a consisté le compromis, c'était de ménager des étapes. On a ménagé des étapes sur le plan, par exemple, du Sahara. À partir du moment qu'on reconnaissait la souveraineté du Sahara, on avait accepté de trouver une collaboration, une coopération sur le plan des hydrocarbures, de leur exploitation, etc. On avait accepté de maintenir, pour une durée extrêmement limitée d'ailleurs, certaines bases à caractère, n'est-ce pas, d'ADC, etc., dans le Sahara. C'était tout à fait normal et raisonnable parce qu'il fallait l'accepter. Mais je dois vous dire qu'on a toujours veillé à ce que dans ces accords, il n'y ait aucun élément qui puisse boucher l'avenir et empêcher une évolution. De Gaulle, lorsqu'il a négocié, il a décidé de négocier avec les Algériens, il a accepté que ces Algériens soient souverains et par là même de respecter leur souveraineté. Comment les leaders de l'Afrique noire réagissent-ils à la fin de la guerre d'Algérie ? Deux réactions, et d'abord celle du président du Tchad, François Tombalbaye.